celle-ci c'est pour ceux qui s'acharnent, qui lâchent pas le morceau. Mes muslims qui boivent pas, et mes visages pas le morceau. Pour ceux qui chatent, on se casse la tête pour trouver le chemin. Ce qu'on imagine se passera peut-être, forcé d'attendre demain. Pour ceux que le travail use plus vite que le temps qui passe, c'est pour les oublier, et je le dis tant que j'y pense. Pour ceux qui dorment dehors, c'est peut-être leur dernière nuit. Pour celui qui a le courage de se barrer sans regarder derrière lui. Pour ceux qui prennent les devants avant de se faire traîner. Pour celles et ceux qui charbonnent n'espérant plus être aidés. Pour celles traitées comme un poutine ball par son mari stressé. Pour tous ceux qui veulent pas finir comme ces naïfs pressés. Pour se blesser, blasés par les déceptions. Pour ceux qui cherchent des solutions, non basées sur les élections. Qui savent que tous les gentils sombres, qu'il n'y a pas que nos vieux qui ont les dents qui tombent. On apprend de l'erreur, donc c'est pour les gens qui se trompent. On apprend de l'erreur, donc c'est pour les gens qui se trompent. On apprend de l'erreur, donc c'est pour les gens qui se trompent. Ouais, celle-ci c'est pour ceux mis de côté. Pour tous ceux qui militent contre l'hémicycle et finissent ligotés. Pour ceux qui ont plus de cheveux à force de psychoter. Pour ceux qui voient que les grands font de la merde donc empêchent le site de copier. Pour ceux qui font ce qu'ils peuvent, marre d'entendre sauf qui peut. Pour ceux qui me soutiendront tant qu'il y a des bombes qui pleuvent. Pour ceux qui relèvent l'épreuve de prouver que ces bâtards cachent l'épreuve. L'exprimant sachant que ceux qui portent des brassards cassent des gueules. C'est pour mes gaziers, ceux qui ont rien fait mais paraissent louches. Ceux que la paresse touche et ceux qui étouffent dans le brasier. Ceux qui arrêtent pas de brailler, qui revendiquent leurs droits. Pour ceux qui pissent sur leur dictature, démocratie de leur noir. Pour ceux qui parlent au lieu de se taper. Pour ceux que la vie a frappé, qu'ont rien à perdre comme cette gosse qui tapine. Pour ceux que la paix anime et ceux que la peine habite. Pour ceux qu'on capte et pourquoi les pensées saines s'abîment. Pour ceux qu'on capte et pourquoi les pensées saines s'abîment. Pour ceux qu'on capte et pourquoi les pensées saines s'abîment. Ouais. Celle-ci c'est pour celles qui nous ont bercés. Pour celles qu'on trimé toute leur vie pour ne pas voir leur fils finir percé. C'est pour ceux qui se font persécuter. Ceux qui refuseront de faire couler le sang. Ceux qui se feront exécuter. Et je pas le faire tant qu'il est chaud. Pour ceux qu'osent dire les choses. C'est pour les frères fauchés qui avancent dans le noir sans gilet jaune. Ceux qui voient les problèmes s'empiler. Qu'emmerdent les Templiers. Pour ceux qu'osent rompre avec leur système sans plier. Pour ceux qui viennent en paix avec leur accent de clando. Ceux qui se foutent des grosses bagnoles car leur avenir part en lambeaux. Pour ceux qui encaissent les coups durs ainsi que la frustration. Ceux qui voient que nos dirigeants ne sont que des chefs d'accusation. Qu'abusent d'actions maléfiques et jouent de la propagande. C'est pour ceux qui dépriment ici, je pense pas que le Prozac manque. C'est pour ceux qui croient pas que seuls les mauvais dérapent. Celle-ci c'est pour ceux qui confondent pas commerce et rap. Celle-ci c'est pour ceux qui confondent pas commerce et rap. Celle-ci c'est pour ceux qui confondent pas commerce et rap.